On va parler un petit peu plus de ce livre. C'est quoi l'érythropoïétine? As-tu qu'ils ont entendu parler de ça dans un autre contexte que celui dont on va parler de médecine? On a vu ça un peu en morpho. En morpho. On a juste vu ce que... Ouais. Non, on n'a pas vu ça. En morpho, quoi? En morphologie, développemental et cognitif. C'est pas pour se droguer quand on fait du sport. C'est pas se droguer, mais c'est une armure qui permet de se droguer. C'est ma petite bépite. J'ai travaillé à la commission médicale olympique pendant des années. Et des autres activités. J'ai eu la chance de diriger une équipe de recherche internationale qui travaille sur des athlètes de haut niveau. Donc, des athlètes qui utilisent, qui ont les moyens d'utiliser des médicaments comme l'érythropoïétine qui a été fabriqué assez récemment, si on regarde l'évolution de la pharmacologie, et qui est utilisé avant même qu'elle soit sur le marché, qui a été utilisé 2 ans avant même qu'elle soit sur le marché par des cyclistes de haut niveau. Ouais. Non, pas de nom. Ah. C'est une hormone dans notre corps qui est fabriquée par nos reins, on l'a dit tantôt, qui est fabriquée lorsque le rein perçoit qu'il manque d'oxygène. L'oxygène est transporté par les globules rouges, donc, conséquemment, quand le rein perçoit qu'il y a moins de globules rouges, sa seule façon de remédier, c'est de faire faire plus de globules rouges et les faire faire plus rapidement. Donc, l'hormone est synthétisée dans le rein, elle s'en va rapidement dans la moelle, elle agit sur les précurseurs érythroïdes et elle fait fabriquer beaucoup plus de globules rouges. C'est son rôle dans notre organisme. Oui. Ça, c'est ce que vous appeliez EPO. Dans EPO, c'est la même chose que l'EPO. Donc, ça a été synthétisé... À peu près, là, on connaît les gens, en 1985-86, les premières publications. En 87, on a trouvé de l'érythropoïétine en flocon. C'était même pas encore produit commercialement. Dans le tour cycliste italien, on trouve sur le bord de la route. Dans un journal qui s'appelle Der Spiegel, en 1990, le journal a rapporté le décès de 20 cyclistes, des jeunes, donc dans la fleur de l'âge, à peu près 25 ans, c'est là qu'on est les meilleurs, entre 25 et 30 ans, à ce niveau-là. Tout le monde est décédé de la même façon. Tout le monde est décédé au repos. Et là, l'hormone n'était pas connue. Ce que les gens utilisaient avant, c'était le dopage au sang. Ça enlevait du sang, mettait le sang en banque de sang. Banque de sang, c'est un beau mot pour dire réfrigérateur. Mettait le sang dans le réfrigérateur et se redonnait le sang la veille de la compétition. Ça s'est sophistiqué. Les gens utilisaient, ont commencé à utiliser ça, mais comme n'importe quel nouveau médicament, pas trop connu, donc les gens se le sont injectés en trop grande dose. La moelle s'est accélérée beaucoup, a produit trop de globules rouges. Donc l'hématocrite, première chose qu'on a vue ce matin, au lieu d'être à peu près à 0.45, vont être 0.55, 0.58, 0.60. Mais 0.60 d'hématocrite dans votre corps, qu'est-ce que ça a comme apparence? C'est la même chose que votre contenant de mélasse. La mélasse que vous laissez sur le comptoir pendant 24 heures, puis la mélasse au réfrigérateur, c'est la même mélasse. Mais quand vous videz, quand vous tournez les deux contenants, là, ils ne coulent pas à la même vitesse. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il manque de sang au cœur, le cœur pompe à vide, il fait un infarctus. Donc, des jeunes de 25 ans qui font des infarctus, c'est pas normal. 20 dans la même année, c'est pas normal. 20 dans le même sport, c'est pas normal. Donc, les gens ont commencé à se dire qu'est-ce qui se passe avec ça. C'est simple, une fois que vous le trouvez. Là. Tant que l'athlète est sur les pédales du bicycle, il n'y a aucun problème. En force constante, donc, dans le fond, le sang circule pareil. Dès que l'athlète est au repos, là, il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien. Le cœur n'est plus capable de ramener le sang veineux dans le cœur. Donc, on a une atteinte au niveau du ventricule droit, et là, là ça commence à coincer, et ça fait les infarctus. Donc, les gens décèdent. Et plus on est jeune, plus les infarctus sont fatales, parce que quand on est plus vieux, on a la circulation collatérale, il y a moins de danger. Donc, il y a eu beaucoup de gens décédés comme ça. Ça s'est beaucoup raffiné, l'utilisation de PO. Je ne vous en parlerai pas, je pourrais vous en parler pendant les cinq cours, mais ça s'est beaucoup raffiné. Aujourd'hui, tout le monde se donne pareil, mais c'est plus détectable. Geneviève Janson, pour me nommer, c'est pas moi qui me nommais, c'est vous, qui disait toujours qu'il n'était pas dopé. C'était assez drôle, parce qu'on avait ses résultats sanguins, puis on savait qu'elle était dopée, mais elle disait fortement qu'elle n'était pas dopée. Mais l'idée, c'est que ça l'a amené beaucoup d'intérêt aussi pour les patients. Il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de comités d'éthique dans le sport. Fait que les athlètes qui ont à utiliser la médication qui n'est pas correcte n'ont pas besoin de passer par un comité d'éthique pour ça. Fait qu'ils essayent toutes sortes de choses. Au début, en clinique, on donnait des affaires comme 100 unités par kilo de patients pour réussir à faire monter l'érythropoïèse. Le fabricant nous avait dit que ça prenait ça. On s'est rendu compte que les athlètes sont capables de faire monter l'érythropoïèse avec des quantités de 10 et 15 unités plutôt que 100. Donc, on a réduit de beaucoup, la clinique a réduit de beaucoup son utilisation aussi de PO et ça fonctionne aussi pour les patients en réduisant. Il n'y a plus de décès maintenant chez les athlètes de haut niveau. Est-ce que c'est utilisé encore 100% presque. Dans tous les sports d'endurance ou à peu près, les sports où vous avez besoin d'oxygène. Et c'est même si j'ai travaillé là-dedans toute ma carrière de recherche, j'ai toujours regardé les Olympiades avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est tous des gens qui ont des capacités extraordinaire en termes d'activité physique. C'est pas parce qu'on prend de l'EPO, même si on s'en donne tous aujourd'hui, là, on ne suit pas ces gens-là, mais pas du tout. Mais par contre, quand vous vous entraînez pendant 4 ans de temps, avec à peu près les mêmes techniques d'entraînement que l'autre d'à côté, puis vous savez pertinemment que l'autre d'à côté va prendre ça avant les compétitions, c'est pas 1%, c'est 10 à 15% d'augmentation de la performance. C'est pas rien. C'est pas rien. Et donc, il y a quelque chose là. Par exemple, les cyclistes de haut niveau, les leaders du peloton, quand le peloton commence à s'entraîner en janvier, là, le leader du peloton, pour en avoir interviewé plusieurs, n'est même plus capable de suivre le peloton au mois de mars, okay? S'il ne prend pas de paix. C'est pas qu'il est en train, mais il n'est plus capable de le suivre. Puis au début, là, quand ils ne prennent rien, quand ça commence, les trainings, là, ils c'est quand même, ça a des effets sur notre corps qui sont assez extraordinaires. Est-ce que tout le monde en prend? Ben, je serais tenté de vous dire, je ne sais pas. Puis si on le regarde très objectivement et très scientifiquement pour vous répondre oui à cette question-là, il faudrait faire une analyse pour tout le monde. Donc, je n'ai pas de réponse scientifique à vous dire. Mais c'est sûr que compte tenu de la façon dont les gens sont maillés, même si vous faites par exemple, on en a trouvé chez les. Comment ça s'appelle là? Ballet aquatique. Okay? On en a trouvé chez ces gens-là. Puis, rester le temps qui reste en dessous de l'eau, on a une capacité d'oxygénation qui est supérieure à la moyenne. Et donc, c'est utilisé là aussi. Mais quand ça devient, par exemple, c'est assez extraordinaire la physiologie de ça, parce que, imaginez-vous quand vous faites du cross-country ou, par exemple, du ski nordique, vous faites des biathlons, triathlons, il faut que vous preniez quelque chose pour, par exemple, dans ces cadres-là, prendre quelque chose pour endurer longtemps. Il faut que vous soyez capable de ralentir les battements cardiaques pour tirer au fusil entre deux battements cardiaques, parce qu'on ne tire jamais au fusil pendant un battement cardiaque. Fait que les battements, quand on vient juste de débarquer le fusil de l'épaule, on vient d'arrêter pour tirer, les battements sont à 160. Fait qu'on ne peut pas tirer à 160, ou ça peut descendre très rapidement. Donc là, on va ajouter un cocktail de bêta-bloquants, etc., etc., etc. Donc il y a des cocktails qui sont extraordinaires à des niveaux élevés. Est-ce que ça existe dans le gymnase du coin? Pas du tout. Ça coûte extrêmement cher, le PO. pour les patients aussi, ça coûte extrêmement cher. Ça n'existe pas dans les dépanneurs du coin, dans les gymnases du coin. C'est vraiment utilisé à un très haut niveau. Fait que le tour cycliste du maire de Trois-Rivières, il n'y a pas personne qui prend de l'OPO à ce niveau-là. Oui? C'est donné sous quelle forme? Quand tu prends ça, c'est ça. Injectable. C'est comme un peu de l'insuline. Comme un peu. C'est quoi là, ce que vous dites? Vous dites qu'on retrouvait sur le bord de la route? Là, c'est les flacons. Les flacons. C'est peut-être le redon que les flocons. Excusez. Donc, pardon? C'est plus détectable. Ce n'est plus détectable parce que quand ça s'est rendu, c'est comme le chat et la souris, le cowboy et les bandits. Une fois que tu as trouvé comment détecter, l'autre gang trouve comment améliorer l'utilisation. Actuellement, quand vous regardez, quand on va comprendre comme il faut l'érythropoïèse, entre la stimulation de l'EPO, mais le jour, il n'y a pas de stimulation, il y a une injection d'EPO, l'EPO s'en va dans la moelle, active. Donc, ça prend 3 jours avant que les premiers réticulocytes sortent. Donc, si moi, je veux compétitionner au mois de février, je vais commencer au début janvier à me donner un petit peu d'EPO. Je vais augmenter mon hématocrite, ma quantité de globules rouges, donc mes transporteurs d'oxygène. Et, par exemple, une semaine avant la compétition, je vais arrêter de prendre l'EPO. Parce que j'ai augmenté mon hématocrite, puis mes globules rouges, ils vivent 120 jours. Donc, je vais rester à une valeur élevée de globules rouges, mais quand on va me faire une prise de sang pour détecter l'EPO, il n'aura plus. Parce que la demi-vie de la molécule, c'est à peu près 30 heures. Donc, après 30 heures, il y en a la moitié de partie. Après 60, c'est la moitié de partie. Donc, après une semaine, il ne reste plus de PO. Donc, il y a toutes sortes de façons de... Donc, dans notre corps, ça existe. La petite parenthèse, c'est pour vous dire que c'est utilisé à mauvais escient. Ça a été mis au point pour qui, vous pensez, pour qui l'industrie pharmaceutique peut avoir mis au point un médicament comme ça? Il y a des gens qui étaient animés. Ils ont passé le globule rouge, du moins. Oui. Puis dans quelles circonstances particulières? Le cancer? Non. Le signe? Non. Les hémorragies? L'altitude? Qu'est-ce qu'elle dit? Hémorragie, altitude? Non. Faites un lien avec ce qu'on s'est dit. Les accouchements. Ah! Tout n'est pas juste accouchement. Mais peut-être, mettons... Ça commence par là. Les personnes qui ont besoin d'une rééducation musculaire ou quelque chose qui ont besoin de faire plus d'efforts que... Non. Je vois, ablation du rein, non? C'est fait pour... Ça a été mis sur le marché pour les hémodialysés, pour les gens qui n'ont plus de reins. Plus de reins fonctionnels. Notre érythropoïétine est fabriquée dans nos reins. Fait que si j'ai plus de reins, j'ai plus de PO. Je ne fabrique plus de PO. S'ils ne fonctionnent pas bien, mes reins, je ne fabrique plus de PO. Ou parce que je ne suis plus capable de mesurer le signal d'oxygène, ou parce que je ne suis plus capable de la synthétiser. Donc, mes patients qui étaient en hémodialyse, pour prendre le cas extrême, donc les deux reins ne fonctionnent pas bien, avaient des hématocrites d'à peu près 0,20. Donc, une petite quantité de cellules comme ça. Okay. Avec le PO, on les ramène dans les alentours de 0,40, à peu près, ce qui fait une qualité de vie sans inconvénient. La molécule n'a aucun inconvénient. Il n'y a pas d'effet secondaire à part les décès. Les décès, ça ne s'applique pas en clinique. Okay. On n'a pas encore trouvé d'effet secondaire à l'effet. Donc, passer de 0,20 à 0,40, vous comprenez que pour les millions de personnes qui sont atteintes de ce genre de pathologie-là, ça fait qu'on est plus essoufflé, ça fait qu'on on a une certaine qualité de vie, on n'a pas de problème neurologique, etc. Donc, c'est un marché extrêmement lucratif pour les compagnies qui ont mis au point la molécule comme telle et qui l'utilisent, mais pour les patients, c'est extrêmement bénéfique. Ces gens-là, ils prennent ça quotidiennement? Non, on prend à peu près, dépendant, c'est un peu comme l'insuline. Maintenant, il y a de l'EPO, de l'EPREX à longue action, à courte action. Donc, ça peut être une fois par semaine, ça peut être deux fois par semaine, dépendamment. Oui. Donc, c'est l'objet du médicament. C'est spécifiquement pour ces patients-là. Maintenant, ça a été détourné pour les athlètes de haut niveau. Ça va pour ça. Donc, c'est un élément qui agit sur l'érythropoïèse, l'érythropoïétine, qui est fabriquée par nos reins. Oui? Si on va en altitude, c'est un effet beaucoup moins rapide ou moins d'impact par rapport à prendre de l'eau de PO. Si on va vivre à 4 mm, c'est oui, beaucoup plus lent. Mais c'est le même mécanisme. Rarification d'oxygène, mes globules rouges passent au niveau des sinus pulmonaires, pas capable de capter suffisamment d'oxygène pour se saturer, arrive vis-à-vis des reins, donne l'impression qu'il n'y a pas assez d'oxygène, le rein produit de PO, envoie ça à la moelle produit plus de globules rouges, donc les gens qui vivent dans les Andes, par exemple, auront une hématocrite beaucoup plus élevée naturellement que nous. Mais si nous, par exemple, si on réussit bien l'examen des hématos, on se paye tous un voyage à Mexico pendant une semaine, à mes frais, on va revenir au bout de une semaine ou deux, on va revenir avec un petit peu plus d'hématocrite. Parce que c'est moins efficace que l'eau qui s'injecte le plus. Oh, aucune comparaison. Mais ça, c'est le principe du up and down que vous indiquez, c'est-à-dire les athlètes font l'entraînement en normoxie, ensuite ça, ils montent en montagne rapidement, ils continuent l'entraînement là, ils redescendent en normoxie, ça s'appelle du up and down. C'est comme ça que c'est le même principe qu'on parle là, physiologique de l'EPO. C'est bon? Donc, le VO, vous avez un peu de texte sur cette petite dernière. C'est une des molécules qui influence beaucoup l'érythropoïèse. Comme tel, ça, c'est dont on va parler. Vous voyez, ça ne suit pas. Et vous voyez ici, dans votre cahier, donc c'est un peu la même chose. L'érythropoïétine qui agit sur les précurseurs de la moelle, les BFU, les CFU qui sont dans la lignée des précurseurs érythroïdes. Voyez ce qui l'influence. La pression atmosphérique, on vient d'en parler, pression atmosphérique, le volume sanguin, la concentration d'hémoglobine. Ah! J'ai une question pour les sages. Spécifique pour vous. Vous avez à peu près 4 par 10. Ah! La question s'adresse à vous! Tiens, on va tester! Vous avez à peu près 4.2 par 10 à la 12 globules rouges. Oui. Bébé, quand il arrive au monde, il y a 6.0 à peu près par 10 à la 12 globules rouges. Il y a beaucoup plus de globules rouges que nous. Pourquoi? Ben, le système immunitaire il est moins mature à ce moment-là, fait que peut-être qu'il y a moins de globules blancs. C'est quoi le rapport avec les globules rouges? Mais il y a plus de place pour les globules rouges. Ah, OK! Encore là, c'est... Non! Il va s'adapter à la vie aérienne, le temps qu'il se met à respirer. Il y a une réserve à pousser. Non! Est-ce qu'il y a plus de moelle rouge? Non! Oui, il y a plus de place. Il y a dans l'eau, puis la pression n'est pas pareille. Ah! On pourrait peut-être s'en rapprocher. En fait, l'affinité pour l'oxygène. Bébé, on le verra tantôt, n'a pas la même. Fœtus, on ne peut pas dire bébé, on va dire fœtus, mettons, on va faire la distinction. Fœtus n'a pas la même hémoglobine que nous. Et lui, il a une hémoglobine. C'est 280 millions de globules, c'est 280 millions de molécules dans le globule rouge, ont une plus grande affinité pour l'oxygène. Donc, ça veut dire que l'oxygène que le fœtus reçoit, il apprend, il la met sur son hémoglobine, puis quand il vient pour la relâcher dans les tissus, il ne marche pas fort. Le relargage n'est pas fort. On dit que l'hémoglobine fœtale a une plus grande affinité pour l'oxygène. Donc, on ne relâche pas les... Donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du fœtus, c'est le foie qui synthétise l'érythropoïétine et non pas les reins. Donc, on s'en va au niveau hépatique. Le foie commande plus de synthèse de PO. Ça s'en va dans la moelle de bébé. Bébé fabrique plus de globules rouges. Et il sort à l'accouchement avec à peu près 6 points par 10 à la 12 globules rouges au lieu de 4.5. Et c'est... cette diminution-là de globules rouges qui va nous expliquer les terres chez bébé, parce qu'il va falloir se débarrasser relativement rapidement de ces globules rouges-là. Il y en a trop. Okay? Quand il va venir au monde, il va vers J3, là, il y en a qui vont commencer amener Rome un petit peu. On verra le pourquoi de ça. Oui? Si j'ai bien compris, il y a plus d'hémoglobine chez le fœtus parce que ça prend plus d'hémoglobine pour relarguer le même nombre d'oxygène au même tissu. C'est ça, parce que l'hémoglobine a une plus grande affinité pour l'oxygène, elle relâche. C'est ce que vous avez aussi ici quand on parle de l'affinité. C'est sûr que les pathologies, là, les champs droit-gauche et tout ça, c'est pas l'objet là, de la présentation d'aujourd'hui. Il y a l'alimentation. Voilà. Deux choses importantes, plusieurs choses importantes. L'acide, vitamine B12, acide folique et le fer. Il y en a plein d'autres, le cuivre, etc. Mais c'est pas très important pour les cliniciens. Pour les cliniciens, c'est plus la vitamine B12 et l'acide folique et le fer. On va commencer par la B12. Donc, B12, personne d'entre nous est capable de synthétiser ça. L'acide dans le sang, ça s'arrête là. On est pas capable. Donc, il faut aller la chercher ailleurs. On va la chercher dans la viande, surtout. OK? Donc, une cliente qui vous dirait « je suis végétaliste strict » et que vous retrouvez sur sa formule sanguine un type précis d'anémie, on va aller bien, bien plus loin là, dans l'investigation, on sait que ça va prendre la vitamine B12, la type dans ça. Mais on verra le lien avec la symptomatologie. La vitamine B12, vous l'absorbez, vous l'ingérez avec la viande. Il faut être capable, dans l'estomac, de découpler la cobalamine, donc la vitamine B12. Il faut être capable de la découpler avec la viande. Et là, notre estomac doit produire ce qu'on appelle un facteur intrinsèque, FI, facteur intrinsèque, qui se fixe sur la vitamine B12, s'en va dans l'intestin, et permet son absorption, parce qu'il y a un récepteur à la surface des villosités qui permet son absorption dans les villosités, après ça, passage dans le sang et transport dans le sang. On prend ça, on amène ça dans la moelle ou on amène ça dans les réserves. L'intérêt de la vitamine B12 pour un clinicien, c'est que l'humain a entre 3 et 5 ans de réserve de B12. Fait que si votre cliente, vous la voyez à un moment donné et qu'elle a une formule sanguine normale, parce que ça, la déplétion en B12 a un impact sur la formule sanguine, puis que vous la voyez 6 mois après, puis que c'est anormal par rapport à ça, c'est pas un problème de B12, parce que normalement, elle a une réserve qui est assez colossale. Fait que si on arrêtait aujourd'hui d'ingérer tous les aliments qui contiennent la B12, on en aurait 3 à 5 ans de réserve. Donc, on n'aurait aucune répercussion sur notre synthèse de cellules. Folique, un peu plus touchy. Oui? Ben, je ne sais pas si je me mélange, mais les personnes âgées, souvent, elles vont prendre la B12 de façon continue. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, parce qu'ils sont supposés avoir des réserves. On peut faire, vous allez pouvoir prescrire, votre cas ne sera pas une personne âgée, mais dans un cas comme ça, on peut prescrire le dosage de la vitamine B12, on va voir si c'est en dessous de la norme. Pour les personnes âgées, tu as raison, ça arrive régulièrement que la vitamine B12 est en dessous de la norme. Ce qu'on se disait jadis, c'est qu'il faut donner l'injection de B12, parce qu'on court-circuite l'estomac, et donc ça règle le problème. Et c'est vrai. Il y a une pathologie qui s'appelle anémie de Birmer. C'est spécifique à la carence en B12, mais ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'absorption, ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'ingestion de B12, c'est parce qu'il n'y a plus de facteurs intrinsèques dans l'estomac. Donc, c'est un problème immunologique, auto-immun, qui détruit le facteur intrinsèque. Donc, pas capable de se coupler à la vitamine B12, pas capable de la faire absorber. On donne la B12 par injection, puis c'est pas plus grave que ça, une fois par mois, une fois que le traitement d'attaque est fait. La situation que tu mentionnes, c'est relativement fréquent et ça arrive. Les cliniciens ont constaté que, Caroline, comment ça fait que je donne de la B12 puis ça règle le problème? Okay? Puis c'est connu depuis, je dirais peut-être une dizaine d'années, la B12 qu'on achète à la pharmacie, là, de Jameson ou je sais pas qui, là, c'est que la molécule, elle n'a pas besoin d'être découplée des aliments. Et en vieillissant, on a une moins bonne fonction de découpler la vitamine B12 des aliments. Donc, en leur donnant directement comme ça, ainsi au facteur intrinsèque, bien, t'as ça. Puis effectivement, dans le fond, c'est souvent comme ça qu'on règle le problème chez les gens plus âgés. C'est bon? Donc, l'acide folique, la réserve que vos clientes auront d'acide folique, c'est 3 mois. C'est pas du tout la même chose que la vitamine D2. Donc, l'acide folique, elle est, c'est sous forme de polyglutamate quand c'est absorbé. Ça passe au niveau de l'estomac, c'est absorbé au niveau du jéjunum et ça s'en va dans le sang, dans le sérum, pour s'en aller aussi à la moelle, transporter pour faire de l'érythropoïèse. C'est pas dangereux, les suppléments sont excrétés simplement, sauf que on a juste des réserves de 3 mois. Et un compétiteur féroce pour l'absorption dans le jéjunum, c'est l'alcool. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne vous arrivera pas. Client, alcoolique, okay? Il y en a. C'est pas vrai que tout le monde va vous arriver en parfaite forme. Puis, à un moment donné, vous trouvez un type précis d'anémie. Oh! Puis là, dans l'analyse, vous montre que la cliente est une alcoolique. Ça va vous donner ce genre de profil anémique-là qui est relié au manque d'absorption de la vitamine, de l'acide folique, qui, elle, dans le fond, entre en compétition avec l'alcool. C'est pas la seule situation. C'est sûr qu'une patiente, comprenez que tout ça passe par l'estomac, quelqu'un qui vous dit un problème gastrique, il y a une gastrectomie partielle, il y a eu des problèmes, il y a des problèmes intestinaux, il y a toutes sortes de maladies de l'intestin qui vont diminuer et l'absorption de B12 et l'absorption d'alcool. Donc, ça va faire partie de votre questionnement pour ces gens-là. La B12 que vous voyez ici, c'est ce que je vous dis, ingestion, détachement, facteur intrinsèque, absorption, transport dans la cobalamine, réserve dans différents organes de notre organisme. Le manque de ces deux éléments-là va nous donner ça, c'est la norme pour les globules rouges. Ça s'appelle des microcytes petits, microcytes. Puis ça s'appelle des macrocytes. Toutes les déficiences, quelle que soit l'étiologie de la déficience en B12 ou en folate, vont vous donner à la formule sanguine la présence de macrocytoses, donc une augmentation des macrocytes. En fait, ça va vous donner ce qu'on appelle une anémie macrocytaire. C'est bon? Quelle que soit l'étiologie, c'est une vraie pathologie de Birmer, c'est un manque d'apport, c'est du végétal estrique, c'est un problème d'absorption, peu importe. S'il n'y a plus de réserve de B12 ou dans le cas de facile folique, ça nous donne une anémie macrocytaire. Ici, oui. Anémie, parce que dans les qui sont plus gros, il y en a moins. Ouais, on va voir la définition tantôt. Excusez. Microcytaire, majoritairement en termes d'aliments, le fer. Une dépression en fer, ou comme ça, complètement un profil hématologique différent. Ici, on a une microcytose, des globules rouges plus petits. Puis ici, on a une macrocytose, des globules rouges plus gros. Oui? Ah non, excuse-moi. Ah, c'est bon. Oui. C'est quelle analyse alors qui peut nous dire si c'est macrocytaire ou... La formule sanguine. La formule sanguine. Oui, vous dites ça. Oui. Il y a des gens végétariens qui se disent, ça se peut que je manque à la fois de fer et de B12. Est-ce que ça ferait une... globule rouge normal. J'ai fait si on va avoir deux populations, et la formule sanguine va nous indiquer comment on peut les distinguer ces deux populations. Ça ne peut pas s'équilibrer. C'est pas la façon de regarder ce fonctionne. Puis une anémie, est-ce qu'on peut dire une anémie microcytaire? Oui, tout à fait. Ah oui? Oui, c'est une microcytaire. Oui. Vous avez dit que dans le fond, c'était pas dangereux d'avoir un surplus d'acide folique. La B12, c'est la même chose aussi. Oui. Un surplus, c'est plus. Ça va pas être absorbé. Okay. Par exemple, on prend des capsules de 250 mg. Écoute, il y en a 240 qui sont toujours. OK. C'est pas plus grave que ça. C'est comme ça. Le fer, par contre, lui, ça ouais, pourrait être ça. Dangereux pour faire de l'hémochromatose. Donc, on avance un peu. Maintenant, pour un clinicien, c'est deux références importantes. Petit globule rouge, fort probable, manque de fer. Je n'ai pas dit toujours, fort probable. Il n'y a rien de toujours en médecine. Gros globule rouge, fort probable, manque de B12, manque de fer. Okay? Et là, on verra, quand on fera de la symptomatologie, on verra qu'il y a des différences. Une cliente qui manque de B12 a des signes neurologiques. Une cliente qui manque de folate n'a pas de signes neurologiques. Donc, les Babinski, ça c'est différent pour ça. Ici, on aura d'autres signes. Pourquoi maintenant? L'important, si on veut le retenir autrement que juste apprendre par cœur, pourquoi ça fait ça? Pourquoi quand on manque de B12 et de folate, ça fait des gros globules rouges? Et pourquoi quand on manque de fer, ça fait des petits globules rouges? Quand on l'a compris, on peut effacer tout ça. On le sait. Puis c'est pas vrai que quand vous allez arriver à vos premiers stades, vous allez vous souvenir de ça. Puis c'est correct que ce soit comme ça. Sauf que vous allez, ça va revenir rapidement quand vous allez en réentendre parler. Aux étudiants, par exemple, de l'année préparatoire en médecine, ce que je fais, je leur donne un premier cours en février, puis je leur donne juste 4-5 cours pour l'initiation. Puis ensuite de ça, je leur fais passer l'examen au mois de mai seulement. Fait qu'ils sont obligés de faire deux fois la matière. Une fois pendant qu'on travaille ensemble pendant le cours, puis il faut qu'il la refasse au mois de mai pour l'examen. Puis après ça, quand je viens revoir en première année de médecine, ben, je vous dirais que c'est impressionnant quand on fait les APP, c'est impressionnant tout ce qui est resté comme matière, parce qu'ils l'ont fait deux fois. Vous, c'est la même chose, vous allez le revoir dès vos premiers stages, parce que vos cliniciens vont vous dire, regarde, ça c'est la formule sanguine. Oui? La formule sanguine, c'est quand on prend. C'est comme la description de ce qu'il y a dans le sang de la femme. Tout à fait. Ben, de là. Oui, de là. Dans votre cas, c'est moins. Donc, pourquoi ça fait des grosses cellules? Pourquoi ça fait des petites cellules? Oui. Ben, le fer, c'est comme une composante essentielle de l'hémoglobine. Fait que oui. Que quand il en manque, il y a moins d'hémoglobine. Puis, vu qu'il y a plein d'hémoglobine dans les globules rouges, ils sont plus petits s'il manque d'hémoglobine. OK. C'est. Presque excellent. Presque excellent. Je dirais que c'est très bien. Il lui manque juste un petit composant. Mais je vais la nommer ça. Maintenant, l'inverse, pour les grosses, pour B12 folate. Okay. On va prendre le fer juste pour compléter ce que tu as dit. Le fer, c'est l'élément essentiel qui compose l'hémoglobine. C'est lui qui capte l'oxygène, le fer dans l'hémoglobine. La semaine prochaine, on verra. Donc, et le globule rouge dans notre moelle, il arrête de se diviser quand, théoriquement, il y a une concentration saturante en hémoglobine. Donc, ça veut dire, par exemple, et là, je caricature, pour qu'on se comprenne bien, là, il rentre 280 millions de molécules dans un globule rouge, théoriquement, il va faire une division de plus. Au lieu de faire 4 divisions, il va en faire 5 si j'ai moins d'hémoglobine. Pour réussir à avoir sa concentration. Y a-tu quelqu'un qui a des problèmes avec quantité et concentration? Chimie des solutions 201 ou quelque chose du genre. Concentration, quantité, je peux poser tout de suite à l'examen et pas de problème pour tout le monde? Mais la concentration, c'est le taux, là. La quantité, ben, c'est combien qu'il y en a. OK. C'est clair pour tout le monde? Oui, j'ai pas besoin d'explication? Non. OK? Vous quoi? Donc, ici, j'ai besoin d'avoir une concentration saturante en hémoglobine. Si mon globule rouge, il n'y a pas assez d'hémoglobine, comme tu disais avec justesse, parce qu'il manque de fer, parce que j'ai des problèmes à synthétiser l'hémoglobine, il va faire une division de plus. Et à chaque fois qu'une cellule fait une division, elle rapetisse. Elle diminue. Donc, mon globule rouge, il va devenir plus petit. Pour essayer d'avoir, avec ces 200, dans ce cas ici, mettons, il y en avait 250, il y en a 250, pour essayer d'avoir une concentration saturante. Donc, la saturation. On ne peut plus entrer d'hémoglobine dans un globule rouge, elle est en concentration saturante. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre moelle. Donc, en faisant une division supplémentaire, il devient microcytaire, parce qu'il se divise une fois de plus, il devient plus petit. Donc, tout ce qui va atteindre pour vous, majoritairement, le fer, mais c'est, si je veux l'extrapoler, ce qui va atteindre le cytoplasme de l'érythroblaste, blast, ça veut dire jeune, érythro-rouge, jeune rouge, dans la moelle. Donc, tout ce qui va atteindre le cytoplasme de l'érythroblaste, mais le cytoplasme, là, c'est juste l'hémoglobine ou presque dans un globule. Mais ce qui va donc atteindre l'hémoglobine, va donc faire des cellules plus petites. Ça va? Oui. Mais quand vous dites qu'il se divise, ça veut dire que je vais en avoir, à partir d'un globule rouge, avoir deux globules rouges. Oui. C'est ce qu'on a vu dans la moelle où il y avait tous les embranchements. Okay. Donc, ce n'est pas un globule rouge. C'est à partir d'un érythroblaste, si on veut être précis. L'érythroblaste va se diviser en deux. Puis dans ce cas-là, il va se rediviser une autre fois pour essayer d'avoir la quantité optimale d'hémoglobine. C'est bon? Ça, c'est l'explication pourquoi les clients pourraient se retrouver avec une anémie microcytaire. C'est la majorité du temps que vous allez rencontrer, vous, c'est des déficiences en fer. D'autres situations, alentour du bassin méditerranéen, on le verra, les thalassémies. Les thalassémies, que ce soit le type alpha ou bêta, vont nous donner aussi un problème avec l'hémoglobine et vont nous donner des petites cellules, donc des microcellules. Donc, une formule sanguine qui vous montre une anémie microcytaire chez une cliente qui est origine de Saint-Étienne-des-Grès, il y a de vraiment la thalassémie. C'est pas vraiment un problème de faire. Mais cliente qui est origine du bassin méditerranéen, qui arrive avec une formule d'anémie microcytaire, puis qui vous dit, ben, j'ai jamais eu de problème. C'est plausible, parce que si elle est hétérozygote, elle n'aura pas de problème avec sa thalassémie. Pardon? C'est un enfant qui aura des problèmes si son mari est en... Oui, ben là, si on tombe avec un homozygote, on va avoir des problèmes, mais une hétérozygote, il n'y a pas de problème. Elle pourrait se présenter à vous avec une anamnèse tout à fait normale, parce que quoi, j'ai jamais eu de problème. D'un coup, faites la formule, ça vient. C'est ça, microcytose. Hein? Puis, à force d'interroger, on finit par aller un peu plus loin là-dedans. L'autre, B12 folate. Déficience en B12 folate, les deux molécules sont indispensables à la synthèse de l'ADN. Donc, si j'ai moins d'ADN, j'ai moins de capacité de diviser mes cellules parce que je ne serais pas capable de faire mon fuseau mitotique, je ne serais pas capable d'utiliser mon ADN, je manque d'ADN. Donc, toutes les cellules en division vont être atteintes, en division rapide, vont être atteintes par une déficience en B12 et en folate. Donc, comme mes cellules médulaires manquent de B12 ou de folate, ils sont plus capables de se diviser, le nombre de fois qu'ils vont se diviser, donc ils restent plus gros. Puis ils sortent dans le sang périphérique plus gros. Anémie, dans ce cas-là, on verra, macrocytaire. Mais en général, ces gens-là, ils peuvent avoir plein d'autres problèmes. Problèmes intestinaux, parce que les cellules de l'intestin se renouvellent rapidement. Toutes sortes d'autres problèmes qui pourraient vous être mentionnés aussi, qu'on va relier à cellules en division rapide. B12, folate, cellules en division rapide. C'est bon? Ça nous donne l'explication de ça. Des microcytoses et macrocytoses. Peut-être un dernier élément dans les éléments qui influencent l'érythropoïèse, le fer. Le fer, c'est un circuit fermé. Avez-vous déjà vu le fer dans un de vos cours? Non. On n'a à peu près pas besoin de fer. On n'a à peu près pas besoin d'ingérer de fer. Pourquoi? Parce que le fer qui est absorbé dans l'intestin est équivalent à la perte du fer. On a environ entre 3 et 5 grammes de fer dans l'organisme et on en perd à peu près 1 mg par jour. On absorbe à peu près 10% de ce qu'on ingère normalement pour compenser la perte, les ongles, les cheveux, etc. Pour les femmes, on calcule à peu près 2 mg par jour en moyenne parce que la perte est surtout au niveau menstruel et c'est là qu'on perd les globules rouges, donc c'est là qu'on perd le maximum de fer. Et si on rapporte sur le mois, ça nous fait une moyenne à peu près 2 mg pour les femmes et 1 mg pour les hommes. Mais 2 mg, vous en absorbez facilement 20-30 mg par jour. Le reste va passer dans les femmes. Vous absorbez le fer, cette petite quantité-là, on a deux choix, notre organisme a deux choix. Il l'envoie dans le foie ou il l'envoie dans la moelle pour faire de l'érythropoïèse, pour faire l'hémoglobine. Les érythroblastes font des globules rouges. Globules rouges qui circulent jusqu'à leur mort, qui sont captés par les cellules du système réticulo-endothélial, donc la rate et autres, où on recapte le fer et on le réutilise. Ça s'appelle un cycle fermé. Le fer, c'est très, très rare que le cycle du fer ouvre dans notre organisme. Donc, ce cycle-là, il est assez fermé. Et donc, notre apport alimentaire, en général, est amplement suffisant. Mais par contre, l'anémie ferriprie, c'est le nom qu'on a, ou l'autre nom que vous allez voir dans la littérature, c'est carence martiale. Ça vient, Martial pour Mars, le dieu de la guerre et du fer, ça vient de l'hémorragie. La plupart hémorragies frustrent, pas des hémorragies que vous voyez. Par exemple, chez les hommes, les anémies microcytaires, on les retrouve surtout après 40 ans, on les retrouve par des ulcères duodénales perforées. Donc, on perd 10, 15 millilitres de sang par jour. Ça paraît pas nulle part. On ne le sent pas. Ça fait pas beaucoup. Alors, jusqu'au moment où on manque d'air, on manque de souffle, on fait de la sténie, de la fatigue. Donc, l'investigation nous amène à une perte de globules rouges. Et quand on perd des globules rouges, on perd la majorité de notre fer, puisque la très grande majorité du fer est contenue dans les globules rouges. Donc là, on vient d'ouvrir le cycle et on perd beaucoup plus qu'on peut aller chercher dans l'aliment. Le mécanisme d'absorption qui est représenté par une flèche ici, là, je vous le disais en préambule, je peux vous en parler pendant 3 à 5 heures de temps, la façon dont c'est complexe, ces mécanismes d'absorption. Mais ce n'est pas l'objet de notre... Pour vous, ce qui est important, c'est de savoir que ça existe. Comment vous allez doser chez les femmes qui vont vous présenter des symptômes d'abord d'anémie, que vous allez confirmer par une formule sanguine qui sera une anémie microcytaire et qui vous orientera pas probablement vers une déficience en fer. Mais comment le confirmer pour vous assurer, aussi professionnellement parlant, que vous êtes correct? Si vous donnez un supplément de fer à quelqu'un qui n'en a pas besoin, vous pouvez entraîner ce qu'on appelle le découpage de la chaîne respiratoire des mitochondries et vous pouvez entraîner des problèmes. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a une anémie microcytaire, on donne du fer. Quelqu'un qui a une anémie microcytaire, on vérifie le bilan ferrique, ce que vous avez le droit de prescrire, et quand le bilan ferrique vous montre qu'il y a une anémie microcytaire due à une dépression de fer, vous pouvez prescrire du fer. Ça va? C'est la logique des événements. Ça va commencer par une manifestation symptomatique, ça va se continuer par une confirmation, par une vue à l'hémogramme et ça va se confirmer par le bilan ferré. Voilà. Donc, c'est notre cycle du fer. On le reverra dans les analyses de laboratoire tantôt. Oui? Pouvez-vous répéter ce que les suppléments de fer inutiles vont causer? Ils pourraient causer dans le découplage de la chaîne respiratoire des mitochondries. Mais ça, ce que ça peut faire aussi, c'est de l'hémochromatose. Une autre pathologie qui peut être entraînée par... Mais ça en prendrait beaucoup de fer voilà, pour réussir à faire de l'hémochromatose. Mais si le fer n'est pas absorbé, ça ne peut pas... Ça, là, c'est la théorie. Okay. Si je donne des masses de fer à quelqu'un, ça va finir par passer à travers les cellules. Okay? Okay. Puis il va finir par en entrer plus. Par exemple, dans les thalassémies, on a souvent trop de fer dans les thalassémies. Donc, quelqu'un qui aurait une anémie microcytaire, ça peut être aussi banal qu'une dépression en fer, mais ça peut être aussi sérieux qu'une thalassémie. Puis dans une thalassémie, j'ai trop de fer. Si je donne du fer juste sur la base de ma formule sanguine, comme professionnel, je suis dans le chaud. S'il arrive quelque chose. Donc, c'est pas anodin comme analyse, puis comme responsabilité que vous avez comme futur professionnel aussi par rapport à ça. Oui? C'était juste à niveau des macrocytes, j'ai pas compris. Ils se divisent plus rapidement, ça fait qu'ils sont plus gros. Donc, quand vous faites une division cellulaire, vous avez besoin. Pardon? Oui, elle diminue. Mais vous avez besoin de quoi pour faire? Vous avez besoin du fuseau mitotique, vous avez besoin d'ADN, vous avez besoin de réplication. Si vous n'avez plus d'ADN parce que vous manquez de molécules pour la synthétiser, bien, vous n'êtes plus capable de faire la division. Donc, au lieu d'en faire quatre divisions, on va en faire juste trois. Parce qu'ils manquent d'ADN, donc ils vont sortir plus grosses. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont avoir un taux d'hémoglobine plus élevé? Le taux d'hémoglobine est variable, curieusement. En général, c'est anémique, okay? Mais ça peut être juste borderline aussi. OK, parce que c'est comme si tu disais qu'il y a plus qui tomberait dans le bon sang, mais ils sont plus gros. Donc la concentration est probablement plus basse, donc ce qui nous donne une anémie de type macrocytaire hypochrome. Ben, pour sortir dans le système sanguin, après, vu que c'est plus gros, ça ne va pas être plus difficile pour les globules rouges? Fait qu'il oui, va en avoir moins. Mais un globule rouge, c'est à peu près trois fois plus petit qu'un globule blanc. Okay. Le globule blanc réussit à passer, donc le globule rouge, même s'il est plus gros, il réussit à passer pareil. Il ne sera pas énormément plus gros. Mm. On verra que son volume globulaire est augmenté d'à peu près 10%. Est-ce vrai qu'il y a des aliments qui sont mis à la résorption de fer? Oui, oui. En fait, il y en a qui aident, par exemple, si vous prenez du tout ce qui est acidulé, le citron et tout ça, ça va aider, dans le fond, à l'absorption. Il y en a d'autres qui vont nuire, le thé va nuire à l'absorption du fer. Le thé va nuire à l'absorption. Oui, il y a des aliments comme ça. C'est ce qui compte la caféine, en fait? Oui, c'est ça. Il y a des aliments qui sont assez bien connus, je pense, qui vont empêcher l'absorption. Et notre dernier qui influence l'érythropoïèse, c'est notre rate, ou l'hématopoïèse en général, c'est la rate. La rate, c'est un peu ce que je vous disais tantôt, située dans l'hypochondre gauche, non palpable en position debout, en théorie à peu près pas palpable en position couchée, c'est ce que votre médecin vous fait quand il vous palpe ici juste sur le rebord costal. Et s'il y a une splénomégalie, une augmentation du volume de la rate, le médecin va être capable de vous la palper. Comme ça, en dessous, quand vous allez être en position couchée. Une splénomégalie, ça peut être le signe d'un engorgement de la rate par des globules rouges non fonctionnels, mais ça peut aussi être le signe de plusieurs types de cancers, où il y a un écho splénique dans plusieurs types de cancers. Donc, ce n'est pas juste relié à l'hématopoïèse, mais l'hématopoïèse est influencée. Donc, la rate, je rappelle, fonction immunitaire, c'est le seul super ganglion sur le circuit sanguin. Il n'y a aucun ganglion sur le circuit sanguin, c'est le seul. Le sang doit passer à travers le ganglion, comme la lymphe passe à travers les autres ganglions, mais seul un ganglion. Donc, fonction immunitaire, fonction de destruction des cellules anormales, et puis un réservoir splénique de plaquettes. Donc, la meilleure image que j'ai trouvée à date, plutôt que vous parler des colons des de Bilbao, puis tout ça, me dit toujours, puis je le constate des fois quand je vois des sages-femmes qui pratiquent, ils se souviennent de mon tamis. C'est un peu ça, c'est des pores trop petites pour que les cellules passent. Donc, les cellules qui doivent passer à travers la rate doivent se déformer. Fait que quand plus ils sont jeunes, plus ils se déforment, comme pour sortir de la moelle, plus ils sont jeunes, plus ils se déforment, plus ils passent à travers, puis ils refont un autre tour, puis ils refont un autre tour. Okay? Puis quand ils vieillissent, ben, ils perdent des morceaux de membrane, ils deviennent ronds comme un ballon, ils contiennent toujours la même quantité d'hémoglobine, mais un ballon dur. Fait que quand ils arrivent pour passer, ça ne passe plus, ça ne prend plus de temps à passer, et là, les phagocytes ont le temps de venir nous débarrasser de ces cellules qui sont devenues trop. Question physiologique maintenant pour vous. Vous aurez le droit à votre dîner quand vous aurez bien répondu. Combien de kilomètres parcourt votre sang dans la journée? Parcourt notre sang dans notre corps dans la journée. On prend le temps zéro, et on vient faire un infarctus, arrêter de pomper, on repart ça. Puis ça parcourt combien? 50. 50, on a une proposition pour 50. On a-tu mieux? Qui dit mieux? 360. 360. Pas 61, 60. 500. C'est beaucoup? Ah, ici, on a une objection. 3 km. J'ai vu 100 km. Ah oui, t'as vu ça? 100 km de vaisseau. En 24 heures. Mais 100 000 km de vaisseau. Coast to coast, Canada, deux fois. En 24 heures. Coast to coast, Canada, deux fois. Ça fait combien, alors? Ça fait 5 000 fois 400 km, deux fois. Ben, fois aller-retour, aller-retour une fois ou aller-retour? Aller-retour. OK. 10 000 km. C'est quand même pas pire. 10 000 km. Ça va. Ça va vite? Ça, on est fatigué. Es-tu fatigué? On a-tu l'air fatigué? Ben oui, on a. C'est janvier. C'est en février que ça commence, ça. C'est novembre et février. C'est bon? Donc ça, ça nous donne un peu de portrait. De l'hématopoïèbre et de l'érythropoïèbre. Oui, madame. J'ai une question, mais je ne sais pas si vous allez avoir la réponse. Si vous ne la posez pas, vous ne savez jamais. C'est parce que j'ai dit à ma tante Marielle en fin de semaine que, oui, que mon grand-père, qu'elle connaît pas, est décédé de vieillesse, puis là, elle a une moi. Fait que ça dit, on ne peut pas mourir d'être vieux. Mais là, je me dis, on ne peut pas toujours mourir d'une maladie. Son cœur a arrêté de battre, mais ce n'est pas parce qu'il y avait un problème cardiaque. Ben, il y a des morts de défaillance cardiaque. Mais ce n'est pas une maladie. Son cœur s'est arrêté parce que c'était fini. Oui, mais ça, c'est un peu le même principe que les gens ne meurent pas du cancer. On ne meurt pas du cancer. On meurt des problèmes quand même, au niveau de la coagulation en général, quand même, qu'amène le cancer. Donc, on meurt de thrombose ou d'hémorragie reliée au cancer, mais ce n'est pas le cancer. C'est pas le cancer comme tel. Là. Fait que, en état de vieillesse, dans le fond, il y a une défaillance des organes aussi qui arrive quand on devient plus âgé. Mais le cœur n'arrête pas juste de battre comme ça parce qu'on est vieux. Il arrête de battre parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais ça ne fait pas de lui un malade cardiaque? Non, non, non, non. Parce que ça me faisait penser à ça à cause des globules qui se déforment pour rentrer dans la rate. Puis plus on vieillit, plus c'est dur. Mais je me dis, je sais pas, ça me faisait penser à ça. Est-ce qu'on peut mourir parce que les cellules ne se déforment plus et la rate est trop dure? On va avoir des symptômes si on est dans cette situation-là, mais on ne meurt pas de ça parce qu'on pourrait l'enlever tout simplement. On pourrait faire une splénectomie. Mais faites pas le lien entre les personnes qui vieillissent et les cellules qui vieillissent. Non. Le lien n'est pas direct, non. Non. Vous pouvez avoir 80 ans puis vous allez avoir un hématopoïèse qui est correct. Okay, ça fait pas de, il n'y a pas de différence entre 80 ans et 20 ans pour l'hématopoïèse. Il y a des différences pour la leucopoïèse parce que votre système immunitaire va être moins efficace en vieillissant. Mais pour des gens, ils vont vous dire que c'est très correct d'avoir un système immunitaire moins efficace à partir de 50 ans parce qu'il y a moins d'allergies. Les gens, on vit dans un monde avec de plus en plus d'allergies. Et comme le système immunitaire devient un peu moins efficace en vieillissant, ben, tu as des gens qui quittent des allergies, les quittent vers la cinquantaine. Donc, C'est quand même assez bien fait. Là. C'est bon, ça, quand même. Ouais. Bon, ben voilà, écoutez, ça vous donne un peu la façon dont j'aimerais comprendre ça. Ça vous donne un peu l'orientation aussi. Ça vous incite à lire maintenant, on a vu, jusqu'à la fin. Tout est dans le cahier. Il n'y aura jamais de questions. Il va s'en aller à moi, qui va commencer à accélérer. Ça prend entre 3 et 7 jours avant qu'il y ait une production quelconque. Donc, je n'aurai pas de réticulocytose en l'espace de 3 jours. Comprenez? Donc, c'est aussi simple que ça. Bonne semaine. Merci.